Heartbeat. the bathroom. Marco, t'es vraiment trop fort. Fa majeur pour moi, hein. Mais je sais pas ce que mais c'est. Ce que t'envoies, c'est énorme. Thank you.